Bonjour mes chers amis, et nous continuons l'étude du chapitre 17, et nous sommes au verset 7. Notre bon Père du ciel, bénis ce temps de méditation, d'arrêt dans nos vies pour méditer sur ta personne. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. Toute personne qui n'apprend pas à connaître Dieu, pratique une religion. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de devenir de meilleures personnes, mais c'est de découvrir la personne de Dieu. Ô notre Dieu, mais on ne peut pas te connaître sans que tu te révèles à nous par les Écritures. Amen. Donc, souvenons-nous que nous sommes dans Luc 17. Jésus est en train de monter à Jérusalem pour mourir. Et il dénonce l'incrédulité d'Israël. Il dénonce qu'Israël n'a pas voulu recevoir le Messie que Dieu avait envoyé et qu'elle va être condamnée. Chaque étape qui s'en va, chaque enseignement, chaque parabole, chaque histoire, va dans la même direction, je crois. Donc, je le répète, il ne faut pas prendre ces textes-là. Des fois, vous allez entendre un enseignant qui va prendre le texte, puis il va commencer à enseigner le texte sans tenir compte quand est-ce que Jésus le dit, à qui qu'il le dit, pourquoi qu'il le dit. L'histoire qu'on va voir ce matin a souvent été utilisée pour enseigner l'humilité aux chrétiens, et souvent, les chrétiens vont le citer pour faire ressortir leur humilité. Mais le texte n'a pas été écrit pour cela, je crois. C'est un verset pas facile à comprendre, surtout si on le met en dehors du contexte. Qu'est-ce que Jésus veut qu'on comprenne par ce qu'on appelle le serviteur inutile? Qu'est-ce qu'il veut que Israël comprenne? Qu'est-ce qu'il veut que ses disciples comprennent? Qu'est-ce qu'il veut que les apôtres comprennent? On a vu que malheur à vous si vous êtes un scandale. Malheur à vous si vous n'avez pas la foi grosse comme un grain de sénévé. Malheur à vous si vous êtes des serviteurs inutiles. Je ne crois pas que le texte est là pour nous dire tu devrait comprendre que tu es un serviteur inutile, mais que le serviteur inutile est inutile. Si tu es inutile, mais il ne faut pas penser que tu vas être béni, entre guillemets, si tu es inutile. Un serviteur inutile, c'est quelqu'un que je mets out de la maison. Je le chasse, je l'envoie, je le punis, je le corrige, je le reprends. Il est inutile. Dieu ne sauve pas des gens pour qu'ils soient inutiles. Dieu n'a pas créé la création pour qu'elle soit inutile. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. » Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il y a différentes interprétations du texte. Et je vais vous donner celle que je pense être la meilleure dans ce moment ici, dans ce contexte-là, de la condamnation d'Israël. Il dit, quand un serviteur revient des champs, pendant qu'il laboure ou qu'il paie un troupeau, il travaille pour son maître, et qu'il revient à la maison, s'attend-il dans sa tête? Pense-t-il? que le maître va lui dire, « Assieds-toi, mon bon serviteur, assieds-toi, je vais te servir, je vais te préparer un repas, va te laver et viens t'asseoir, je vais te servir. » Le serviteur ne s'attend pas à ça. S'il est un serviteur qui a bien compris son rôle, il ne s'attend pas à ça. Il va s'attendre plutôt, il devrait s'attendre, il devrait comprendre que quand il va arriver, le maître va lui dire, « Va te laver, prépare-moi à souper, donne-moi, sers-moi du vin et de la nourriture, donne-moi à manger, et quand j'aurai fini de manger, toi, tu m'en feras. » Nous, dans un contexte qu'on est on veut égaliser tout le monde, on veut voir tout le monde comme étant égal, on a un peu misère avec ces histoires où des maîtres et des serviteurs ou des maîtres et des esclaves. Parce qu'ici, je suis pas mal certain qu'on peut traduire le mot serviteur par esclave. Et là, au verset 9, c'est dit, est-ce que le maître maintenant doit être reconnaissant de ce que le serviteur a fait? La réponse est non. Il n'y a pas à être reconnaissant. Il n'y a pas à être reconnaissant. Il est le maître. Le maître ne va pas faire la courbette devant le serviteur qui a servi le repas. Nous, quand on va manger au restaurant, on va donner un tip, un pourboire, pour montrer notre reconnaissance s'il y a eu un bon service. Parce que le gars n'est pas notre esclave, notre serviteur. C'est un employé. Mais dans un contexte de maître et esclave, ou serviteur, seigneur et serviteur, ça ne marche pas comme cela. Dites-vous de même, vous de même, apôtre, disciple, Israël, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce qui nous avait été ordonné. Nous avons agi en serviteurs. C'est tout. Nous avons été des serviteurs. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Pourquoi dit, est-ce qu'il raconte ça ou qu'il enseigne ça à Israël, aux apôtres, aux disciples à Israël? Pourquoi est-ce qu'il enseigne ça à tous les êtres humains dans le fin fond de l'histoire? Les êtres humains s'attendent à ce que Dieu va les servir. S'attendent à ce que Dieu est là pour eux. S'attendent à ce que Dieu va les bénir, va les récompenser. Surtout les gens religieux. Surtout ceux qui pratiquent une religion pour gagner leur ciel. Ils vont voir le ciel comme une récompense, comme une reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Les pharisiens ici, les gens religieux, s'attendent à ce que Dieu devrait faire de quoi pour eux? Parce qu'Israël se voit comme le serviteur de Dieu. Si je m'attends à ce que Dieu me serve, est-ce que Dieu soit reconnaissant envers mes œuvres, envers ma vie, envers ce que je fais? Je ne comprends pas bien la position dans laquelle je suis. Dieu, le maître, le créateur, le seigneur de l'univers, n'a pas à être reconnaissant pour ce que les êtres humains font. Il ne faudrait pas penser que Dieu est reconnaissant envers des serviteurs, ses serviteurs. Parce que tout nous vient de lui. Tout nous a été donné par lui. Tout ce qu'on pourrait lui offrir vient de lui. C'est pareil comme si je vous donnerais 100$ pour faire de quoi et vous m'en donnez 20. Je ne peux pas commencer à vous dire merci de m'avoir donné 20$. C'était bien généreux, tu sais. Mais non, le 100$ était à moi. Tu devrais dire, tu as été bon. Tu as été bon de me donner le 100 dollars. Je suis reconnaissant. Nous, les serviteurs, devraient être reconnaissants. C'est un privilège d'être un serviteur auprès d'un bon maître. C'est un privilège d'être un esclave auprès de Dieu et d'être bien traité par Dieu, d'être traité justement, équitablement par Dieu. Il ne faut certainement pas à s'attendre que Dieu va être reconnaissant de ce qu'on fait. Si on s'attend que Dieu soit reconnaissant, si on est frustré parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on n'a pas compris sa position et notre position. Israël veut un Messie. Israël veut un Messie qui va le servir, qui va lui amener la prospérité et la santé. Elle veut un Messie qui va venir les délivrer de la main des Romains. Israël attend un Messie qui va être à son service. Jésus n'est pas au service des êtres humains. Jésus était au service de son Père, auprès des êtres humains. C'est bien, bien, bien différent, ça. Il y a une chose qui me fascine un peu, qui me chicote un peu dans le texte, c'est pourquoi est-ce que Jésus dit, quand tu auras fait ce qui a été ordonné, tu diras que tu es inutile. S'il a fait ce qui avait été ordonné, pourquoi Jésus dit-il qu'il est inutile? Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas, quand tu auras fait ce qui avait été demandé, ce qui avait été ordonné, là tu pourras dire que tu as été un bon serviteur. Là le maître va te dire, bon serviteur. Mais semble si j'ai fait ce qui m'avait été ordonné, j'ai été utile. Peut-être que le Seigneur pourrait, est-ce qu'il voudrait dire, quand tu as fait ce qui t'avait été ordonné, ne t'attends pas à avoir de la reconnaissance de la part du maître, de la part de ton Seigneur. C'est juste normal que tu l'aies fait. Mais ça, là, je comprendrais mieux. Mais il ne dit pas cela. Il dit, quand tu auras fait ce qui t'a été ordonné, dis, je suis inutile. Voici ma pensée là-dessus. Si je fais ce qui m'a été ordonné, c'est parce que je suis un serviteur, pas dans mon cœur. J'ai juste fait ce qui m'avait été ordonné. Puis je me contente de faire ce qui avait été ordonné. Mon cœur n'est pas là. Si je m'attends à avoir de la reconnaissance parce que je suis obéissant à la loi ou au commandement de Dieu, c'est parce que mon cœur n'est pas là. Si je suis au service du Maître, de bon cœur et de joie, et je le vois comme un privilège de servir mon Dieu, mon Créateur, mon Seigneur, je ne fais pas ce qui m'est ordonné, je fais ce que mon cœur désire. Si tu fais seulement ce qui t'a été ordonné, parce que tu te vois dans la position de serviteur, mais tu es un serviteur inutile. Dieu veut des serviteurs qui vont le servir de bon cœur, pas parce qu'ils ont des ordres. Je pense que c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut essayer de comprendre le texte. C'est pour ça que ceux qui observaient la loi, Dieu a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, de l'extérieur, mais son cœur n'est pas là. Il fait le rituel de la religion, mais son cœur n'est pas là. Si tu fais juste le rituel extérieur et que tu obéis parce que tu étais ordonné, tu étais obligé, tu es inutile. Mais si tu sers Dieu de plein cœur, de pleine joie, tu démontres que Dieu mérite d'être servi. Tu montres qu'il est digne d'être servi, adoré et loué. Je crois que c'est dans cette façon-là qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que Dieu va dire, « Je vais t'enlever ton cœur de pierre et je vais te mettre un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle naissance que tu vas subir. » Et là, tu n'as pas besoin que je t'ordonne rien. Tu vas vouloir faire, tu vas désirer faire, tu vas désirer vouloir me servir. Tu vas voir le service comme un privilège. Tu ne t'attendras pas à de la reconnaissance. Ben non. On ne s'attend pas à de la reconnaissance quand on fait ce qu'on aime au max. Quand je fais ce que j'aime, moi, je ne m'attends pas à ce que tu me dises merci. Hein. Je fais ce que j'aime. Des fois, quand les gens ne nous disent pas merci, on est frustré parce qu'on l'a fait pour eux autres puis on voulait avoir de la reconnaissance, mais ils ne font pas, donc on est frustré. Mais quand je fais ce que j'aime, je ne m'attends pas à avoir de la reconnaissance. J'arrêterai pas de le faire parce que tu dis pas merci. Je fais ce que j'aime. Israël va faire mourir son Messie. Parce qu'elle était une Israël religieuse qui adorait Dieu dans l'extérieur, mais que son cœur n'était pas là. Elle faisait ce que Dieu ordonnait, quasiment par crainte de réprimande ou dans le but de gagner et que Dieu les bénisse. Et Dieu dit, tu es inutile. Si tu veux être utile, tu vas être utile quand moi, je vais te transformer, moi, je vais te ramener à la vie, moi, je vais te donner la vie éternelle, moi, je vais te donner le Saint-Esprit, et là, tu vas être un serviteur utile. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la parabole. Notre pont, Père du ciel, tu as fait de tes enfants des serviteurs. Et nous sommes tous utiles parce que nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas parce que tu nous donnes des ordres, c'est parce que tu nous as donné un nouveau cœur. Tu as dit à tes disciples, « Je vais vous donner le Saint-Esprit. Lui va vous pousser à glorifier mon Père dans le ciel. » C'est par ce nouveau cœur ou cette nouvelle vie et par la puissance de l'Esprit que nous sommes des serviteurs utiles. Nous servons à la gloire de notre Dieu, à la louange de notre Dieu, maintenant et pour l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.